Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est un contrôleur de Nexo. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est là. À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Thierry Gallet, je vous accompagne jusqu'à 22h en direct du stade Matmut de Bordeaux, dans lequel vont officier John, Paul, Ringo, George dans quelques instants. Pour l'instant, tout le monde s'est déjà mis en place depuis un bon petit moment. Sur les grands écrans, on peut voir tour à tour des photos des Beatles jeunes, des photos des Beatles vers 1970, puis une photo de chacun des quatre au cours des années entre 1970 et maintenant. Car oui, dans ce monde-ci, ce soir, John, Paul, Ringo, George sont toujours en vie. Ringo va atteindre 80 ans, John aussi au mois d'octobre. George Harrison, c'est 77 ans et Paul McCartney, 78 ans. Ils sont presque des octogénaires et pourtant ils ont une forme éblouissante. Je pense que vous allez vous régaler ce soir parce qu'ils nous ont concocté. Alors, ils m'ont dit, parce que je n'ai pas la setlist sous les yeux, ils m'ont dit un petit passage Beatles, puis autre chose, un petit rappel de ce qu'on a fait dans les années 70-80. Mais il y aura quand même du Beatles à droite et à gauche parce qu'on a envie de se la faire Beatles ce soir à Bordeaux. Donc ça risque d'être très très sympathique. Je vous convie à nous retrouver dans le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook, La Saga des Fab Four, et vous allez trouver le topic le plus haut, celui dans les annonces, c'est celui qui donne le concert live de La Saga des Fab Four de ce soir, qui est La Saga des Fab Four numéro 441. Avec donc aucun album de la semaine, mais les quatre ensemble, ça va être très bien, j'en suis sûr. Et c'est en direct sur RIG 90.7. Également, vous l'écoutez sur www.rigfm.fr. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Pour l'instant, les Beatles, on va les appeler comme ça, ne sont toujours pas sur scène. On les voit sur les grands écrans, mais ça ne va certainement pas tarder. Il rentre sur scène. Some Other Guy, comme à l'époque, sur RIG. Yeah. Gibbs, c'est comme ils le font d'habitude. Voilà, ils enchaînent. Hippie Hippie Shake. Sur Facebook, Marc, ils en arrivent à retrouver le son d'époque. Qu'est-ce qu'ils sont forts? Oui, bah, c'est pas difficile avec la technique de trafiquer un peu le son des micros et tout ça. Et puis Stella commente également sur Facebook. On se croirait à l'intérieur du Cavern Club. Il ne manque que l'odeur de la transpiration et les fans en transe. Bah, ça, les fans en transe, en tout cas, on voit des personnes assez âgées qui ont l'air d'adorer cette première partie qui est menée tambour battant par John, Paul, Ringo et George. Oh, much I really love you. You'll never know how much I really care. Enfin, une petite pause, John Lennon est en train de dire « Voilà, c'est des petites chansons sans importance de nos débuts, on va encore vous en faire quelques-unes et puis après, on va passer à autre chose. » Et tout le monde rigole. Paul dit bonjour à tout le monde, bonjour à Bordeaux et bonjour au reste de la France parce qu'ils savent que RIG retransmet l'intégralité du concert et c'est sur 90.7, également sur www.rigfm.fr. Et puisque nous parlons des Beatles, j'ai le temps qu'ils continuent à parler un petit peu, de vous parler du meilleur site pour tout savoir sur les Beatles. C'est celui de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ceux que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. Écoutez quand même comme petite chanson Some Other Guy, The Hippie Hippie Shake, Love Me Do, I'll Be On My Way, Do You Want To Know Secrets. La suite, eh bien c'est maintenant puisqu'ils reprennent le chant. From Me To You, vous aviez deviné. à l'instant en direct depuis Bordeaux, depuis le stade où RIG est la seule radio à avoir le droit de retransmettre ce concert exceptionnel de John Paul Ringo George à Bordeaux. C'est Paul McCartney qui se prépare, il vient de dire « Je n'ai pas chanté cette chanson depuis très longtemps, j'espère que j'ai encore la voix pour ça ». Allons-y, écoutons. À Paul McCartney. Oh, a hot day's night sur RIG. Just to hear you say you're gonna give me everything. Well, I bet you I'm gonna be a big star. Win an Oscar, you can never tell. The movie's gonna make me a big star. Cause I can play the part so well. Well, I hope you'll come and see me in the movie. Then I'll know that you will plainly see the biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally. Les chansons ne durent pas longtemps, mais ils sont très très en forme. John, Paul, George et Ringo, ils chantent tour à tour. À l'instant, c'était Act Naturally chanté par Ringo. Il y a eu Hard Day's Night en remontant, Long Tall Sally époustouflant et survitaminé chanté par Paul, bien évidemment. Et Chains, est-ce qu'on avait déjà parlé de From Me to You? C'est possible, je dois avouer que je les note au fur et à mesure et je m'y perds un petit peu. Que vont-ils nous chanter? Je pense qu'on progresse dans les chansons des Beatles de manière progressive. Ouh, c'est beau ça, il aurait fallu que je prépare mon texte. Mais c'est pas grave, la suite de la saga des Fab Four, c'est maintenant sur RIG, la retransmission intégrale du concert des Beatles. He's a real man. George Harrison vient de dire qu'il invite un copain à lui, un certain Carl Perkins. You know that one. But I don't remember the words to these. Yeah, ain't no doubt about it, this must be love. One little kiss from you, and I feel right alone. show. I tell you to get ready now. Car, drink my liquor from a whole fruit jar. Do anything that you want to do. Honey, lay her hands on you, don't you? Step on my blue suede shoe. Yeah, you can do anything, but lay her on my blue suede shoe. Since 1955, when I wrote it. Yeah. Carl Perkins repart sous les applaudissements du public ici à Bordeaux, car nous retransmettons aujourd'hui le concert unique de John, Paul, Ringo et George à Bordeaux. Et ça se produit de temps à autre et c'est vraiment pour le plus grand plaisir, je pense, de tout le monde. Ringo reste en lead, c'est lui qui l'a dit là il y a quelques instants. Il dit « Ne suis-je pas le meilleur ?» I am the greatest. C'est maintenant sur RG. 90.7, c'est la radio des Beatles. When I was a little boy, way back home in Liverpool, my mama told me I was great. And then when I was a teenager, that I had got something going. All my friends told me I was great. And now I'm a man. A woman took me by the hand. And you know what she told me? Sur la fin poussée, I'm the greatest and you better believe me, baby. Thank you. Merci Ringo. C'est encore Ringo. Je reconnais The No No Song sur RG. I'm on the floor.

seulement 50. We'll get it right next time. On y arrivera mieux la prochaine fois. C'est seulement 50 minutes de concert et déjà 18 chansons d'interpréter. C'est absolument incroyable. Ils vont à un rythme d'enfer. Il y a eu donc Nowhere Man, il y a eu Act Naturally, je l'avais déjà dit. Puis avec Carl Perkins, Glad All Over, Blue Sweet Shoes, Honey Don't, Ringo tout seul, I'm the Greatest, No No Song. Et à l'instant, John Lennon dans une très belle version de Your Blues et Instant Karma. Que nous réserve la suite? Écoutons, relançant le micro. Nous sommes en direct au stade à Bordeaux et c'est le concert pour la saga des Fab Four numéro 441 sur RIG 90.7. C'est le concert de John, Paul, Ringo, George. Je crois que j'ai dit tout le monde. John, Paul, Ringo, George. Et John. Paul, Ringo, George. Oh bon. Allez, on y va. Il y a les quatre. Ah ouais, il y a les quatre. Ça, c'est Wawa sur la RIG. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'il en manquait un. Le cinquième Beatles, peut-être. Old brown shoe, a baby. Connu sans doute la voix de Eric Clapton, venu prêter main forte à ses copains sur ce morceau-ci à l'instant. Old Brown Shoe, auparavant, c'était Wawa, évidemment, un très très bon Wawa. Là, John Lennon vient de faire la référence à Paul McCartney en disant « Et maintenant, Sir Paul McCartney, c'est à lui de jouer. » Sur RIG 90.7. Maybe I'm amazed, pardon. Oh là là, c'est la fatigue. Maybe I'm amazed. Maybe I'm afraid of the way I need you. Okay, well, this next song is from the McCartney album we made, and this one's called Every Night. Voilà, j'avais juste un peu d'avance. Every Night sur RIG. Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Every night I wanna play out, and every day I wanna do. But tonight I just wanna stay in. Encore un peu plus de 50 minutes de concert, alors appelez vos amis, dites-leur de se brancher sur www.rigfm.fr. Si vous êtes dans la région bordelaise, dites-leur que c'est également sur 90.7. C'est RIG, c'est la saga des Fab Four numéro 441 et on retransmet en direct le live de John, Paul, Ringo et George sur Bordeaux. Listen for your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps

shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing we're happy and we're safe. Thank you. Deux chansons chacun dans ce concert. Paul McCartney avec Maybe I'm Amazed et Every Night. Puis à l'instant, Ringo Starr, Don't Pass Me By, ainsi que Octopus's Garden, bien entendu. Merci, merci. Oh, en français. We lie beneath the shady tree. I love saga des Fab Four existe depuis 1984. C'est donc la 36e année. Et c'est seulement sur RIG 90.7, la radio des Beatles. La suite du concert, c'est tout de suite avec un John Lennon aux commandes. Imagine en live. Thank you. You're not alone, man. Il y a eu Good Day Sunshine, Lady Madonna, Imagine, là c'était par John Lennon, Give Me Love, High Heel Sneakers, Jet, à l'instant maintenant. Et il y a eu Lucille entre les deux, bien sûr. RIG 90.7, la radio des Beatles.

asking me, will my love grow? Coming up another day. Voici Mean Woman Blues, j'ai l'air connu. There's something aussi. Vous êtes sur RIG 90.7. C'est vraiment la radio des Beatles. Et ce soir, c'est la saga des Fab Four numéro 441. Sometimes I think she's almost as mean as me. sur Facebook, ça blues, yeah, et c'est vrai que ça blues. Paul McCartney continue avec Too Many People sur RG. Too many people

ainsi que ça termine cette saga spéciale live. Merci d'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. Merci, à très bientôt. Salut les filles et bonne nuit aux garçons. Ciao.